Le voyage de Skirner. Frey, fils de Njord, s'était assis dans Lidskjalf et promenait ses regards sur le monde. Il les abaissa sur Jotunheim et y vit une jeune et jolie fille qui allait de la maison de son père dans celle des femmes. Il en eut une grande maladie d'esprit. Le serviteur de Frey se nommait Skirner. Njord le pria de questionner Frey et Skad chanta. « Lève-toi, Skirner, va trouver notre fils et demande-lui ce qui a pu irriter notre sage rejeton. » Skirner chanta. « J'attends une fâcheuse réponse de votre fils si je lui demande ce qui a pu irriter ce sage rejeton. » Skirner à Frey. « Frey, général de l'armée des dieux, réponds à la question que je vais t'adresser. Pourquoi mon prince reste-t-il assis solitairement tout le long du jour dans sa salle? Frey, comment te peindrais-je l'immense douleur de mon âme? Le soleil luit tous les jours, mais non pas pour me réjouir. » Skirner chanta. Le trouble de ton esprit n'est pas si grand qu'il ne soit inexprimable. Nous avons grandi ensemble. Nous pouvons nous croire l'un l'autre. Frey chanta. J'ai vu passer dans l'habitation de Gimmer la jeune fille que je désire. Ses bras étaient lumineux et répandaient une vive clarté sur tout ce qui les environnait, sur la mer et dans l'air. Je désire cette jeune fille avec plus d'ardeur qu'un homme dans ses jeunes années ne pourrait en avoir. Les Ases et les Alfes s'opposeront à ce que nous vivions ensemble. » Skirner chanta. « Donne-moi un cheval qui puisse me porter à travers les brouillards et le feu prodigieux. Donne-moi le glaive qui frappe de lui-même les races de géants. » Frey chanta. « Je te donne le cheval qui te portera à travers les brouillards et le feu prodigieux. Je te donne le glaive qui frappe de lui-même quand celui qui le porte est puissant. » Skirner parlant au cheval. « Il fait sombre dehors. C'est un temps propice pour notre voyage. Hâte-toi de franchir les montagnes couvertes de rosée. Nous reviendrons ensemble, ou bien l'énorme géant nous aura pris tous les deux. » Skirner chevaucha dans Jotunheim vers la demeure de Gimmer. Des chiens méchants étaient attachés à la porte de la palissade qui environnait la salle de Gerd. Skirner se dirigea vers un berger assis sur la colline, le salua et chanta. « Dis-moi, berger assis sur une colline et qui garde toute avenue, comment il faut s'y prendre pour parler à la jeune fille malgré les chiens de Gimmer ?» Le berger chanta. L'un ou l'autre, tu es près de la mort ou déjà mort. Jamais tu ne parleras à la bonne fille de Gimmer. » Skirner chanta. Pour celui qui a envie de voyager, il y a mieux à faire que de sangloter. Le nombre des jours de ma vie a été fixé. Gerd chanta. Quels sons, quels accents ai-je entendu retentir dans notre demeure? La terre tremble et les maisons de Gimmer en sont ébranlées. La suivante répondit. Un homme est descendu de cheval en dehors de la palissade. Il laisse paître cet animal dans l'herbe. Gerd chanta. Invitez-le à entrer dans la salle et à boire le limpide hydromel, mais je le crains, c'est le meurtrier de mon frère. Es-tu un alphe, un as ou un vanne savant? Comment as-tu traversé seul le feu prodigieux pour voir nos salles? Skirner chanta. Je ne suis ni un alphe, ni un ase, ni un vanne savant. Cependant, j'ai traversé seul le feu prodigieux pour voir vos salles. Voici 11 pommes d'or. Je te les donne, Gerd, pour acheter la paix et t'engager à dire que tu aimes Frey par-dessus tout. » Gerd chanta. Je ne prendrai jamais 11 pommes d'or pour aimer un homme, et de ma vie nous n'habiterons ensemble, Frey et moi. » Skirner chanta. Je te donnerai l'anneau qui fut brûlé avec le jeune fils d'Odin. Toutes les 9e nuits, il en tombe 8 anneaux pareils. » Gerd chanta. « Je ne prends pas cet anneau, quoiqu'il ait été brûlé avec le jeune fils d'Odin. Je ne manque pas d'or dans les demeures de Gimmer. Je jouis de la fortune de mon père. » Skirner chanta. « Jeune vierge, vois-tu ce glaive mince et brillant que je tiens à la main? Je puis t'enlever la tête si tu refuses ton consentement. » Gerd chanta. « La violence ne me fera jamais aimer un homme, mais j'ai le pressentiment que si tu rencontres Gimmer le belliqueux, vous aurez envie de vous battre. » Skirner chanta. « Jeune vierge, vois-tu ce glaive mince et brillant que je tiens à la main? Le vieux géant s'évanouira devant lui et ton père deviendra un lâche. Avec la Gaulette, jeune fille, je t'apprivoiserai à mon gré. Tu seras obligée d'aller dans un lieu d'où les fils des hommes ne te verront jamais revenir. Tu seras assise de bonne heure sur la motte de gazon de l'aigle, en tournant le dos à la terre et regardant Hel. Ta nourriture te paraîtra plus affreuse que le serpent brillant de venin n'est repoussant pour les hommes. Quand tu sortiras, tu deviendras un monstre. Rimner fixera ses yeux sur toi. Tu deviendras plus célèbre que le gardien des dieux et tu aspireras à sortir de ta prison. La solitude et l'horreur, la contrainte et l'impatience augmenteront tes larmes avec douleur. Assieds-toi que je répande sur toi un fleuve d'affliction et d'horribles tourments. La terreur te défigurera dans les demeures des géants. Tu chancelleras, tu seras oublié dans tous les partages. Tu erreras vers les salles des Rimdorzars sans prendre part à la joie. Les pleurs seront la récompense de ta gaieté. Tu porteras la douleur avec larmes. Tu traîneras éternellement ton existence avec un géant à trois têtes, ou bien tu n'auras point de mari. Du matin au matin, ton âme sera la proie de l'angoisse. Tu ressembleras au chardon qui dépérit après la tardive moisson. Je suis allé dans le désert, dans la jeune forêt, pour chercher une baguette magique, et je l'ai trouvée. Odin est en colère contre toi. Le général des Ases te hait, et Frey te détestera encore plus promptement, méchante fille, que tu ne ressentiras la juste colère des dieux. Écoutez, géant, écoutez, Rimthursars, fils de Zutung, écoutez, Az, la malédiction que je prononce sur cette fille, en la condamnant à être privée de toutes les joies de la vie. Rimgrimmar est le nom du géant qui la possédera en dessous des portes de la mort. Là, des esclaves te présenteront du pissa de chèvre ramassé dans les racines des arbres. Jamais, jeune fille, tu n'auras de mon gré un meilleur breuvage. Je te jetterai trois sorts, langueur, feu dévorant et impatience. Je puis les retirer s'il en était besoin. » Gerd chanta. « Sois le bienvenu. Prends la coupe écumante remplie de vieux hydromel. Jamais je n'aurais supposé que je serais obligé d'aimer un descendant des vannes. » Skirner chanta. « Il faut que ma commission soit remplie entièrement avant mon départ d'ici. Quand accorderas-tu un entretien au fils de Njord ?» Gerd chanta. « Bar est le nom du bosquet de Longferd que nous connaissons tous deux. C'est là qu'après 9 nuits, Gerd donnera de la joie au fils de Njord. » Skirner retourna au logis. Frey était à la porte. Il le salua et lui demanda des nouvelles. « Dis-moi, Skirner, avant d'ôter la selle de ton cheval et de faire un pas en avant, ce que tu as fait à Jötunheim pour ma satisfaction et la tienne. » Skirner chanta. « Bar est le nom du bosquet de Longferd, que nous connaissons tous deux. C'est là qu'après 9 nuits, Gerd donnera de la joie au fils de Njord. » Frey chanta. « Une nuit est longue, 2 le sont davantage. Comment passer 3 ? Un mois m'a souvent paru plus court que la moitié d'une nuit d'attente. »